Chez Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau, venez voir le F-150 avec la technologie d'aide au conducteur Ford Copilot 360 offerte en option. En plus, le F-150 est équipé du système Pro Trailer Backup Assist qui facilite la marche arrière avec n'importe quelle remorque. Obtenez-le à un taux annuel de 0% à l'achat jusqu'à 84 mois et 4 500 $ de rabais sur les F-150 2020 sélectionnés. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler avec notre ami, je suis très content de le revoir encore cette année. Il est excellent, Bruno Boudreau, pour nous parler de baseball. On va y parler toutes les deux semaines. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, je suis tellement content que tu reviennes avec moi encore cette année. Tu serais revenu bien avant si ça n'aurait pas, été autant de niaisage. Tu sais que si on n'aurait pas eu de misère à s'entendre, probablement que ça jouerait depuis le 4 juillet. Oui, vraiment, il n'y a plus rien qui a changé dans le protocole, tu sais, tout entourant le COVID, là, c'est les mêmes règles qui avaient été prévues au début, tout ça. Fait que c'était plus l'entente, l'argent et ça qui a retardé, mais pas vraiment la pandémie. C'est vraiment plus la négociation qui a échappé, qui a fait que cette saison de 60 matchs a été mise sur pied. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Je pense que dans les dernières semaines, dans le camp d'entraînement, il y a des joueurs qui ont testé positif, mais c'est en diminution de façon constante. Fait qu'on a pu en même temps tester, je pense, de façon correcte les protocoles. Fait que si plus qu'on a pris de temps, peut-être que ça a eu ça de bon. Il n'y a pas eu tant de joueurs qui ont été testés positifs. Puis je pense que la distanciation, elle se prête bien au sport du baseball. Fait que s'il y a un positif à aller chercher, c'est ça. Mais c'est clair qu'on n'aurait pas avoir une saison. Le plan initial là, qui était une demi-saison de 81 matchs, 60 matchs, ça va être quand même particulier. Et c'est normal que ça teste... qu'il y ait des cas au début, c'est normal parce que, à quelque part, les joueurs reviennent, mais là, ça va se stabiliser. Comme dans le soccer, le tournoi de soccer, il y a eu beaucoup de cas au début, mais là, les 4-5 premiers jours, mais après ça, ça s'est stabilisé, puis ça va être la même chose au baseball. Là. Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi là-dessus. Puis l'autre élément, c'est que là, on a aussi, comme je disais tantôt, établi un protocole plus clair. Les voyagements, il y a certaines équipes, on va en parler, là, des Blue Jays entre autres, qui au Canada, on a dit qu'on n'allait pas rentrer de joueurs, donc là, les Blue Jays vont jouer aux États-Unis, ils devaient jouer à Buffalo peut-être, finalement, ça va être à Pittsburgh, mais ultimement, dans je pense, la réflexion qui a mené à toutes ces décisions-là, c'était vraiment la sécurité en premier lieu, puis c'est une bonne chose, dans le fond, ça donne un bon momentum, même si ça va être bizarre, les matchs avec personne dans les estrades et tout ça. Ça fait en sorte au moins qu'on est capable de jouer une saison, puis que je pense que la distanciation va être respectée pour justement s'assurer qu'elle se complète aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce qu'elle va avoir lieu au complet. T'sais, nous, par exemple, petite anecdote, on a un pool de baseball où qu'on garde nos joueurs d'année en année, là, ce qu'on appelle un keeper ou un dynasty, peu importe comment on veut l'appeler. Puis cette année, on a décidé de faire un hiatus, puis on a reporté donc nos choix à l'an prochain, puis on est allé avec les choix de la saison parce qu'on ne voulait pas non plus commencer à risquer d'un peu défaire notre équilibre de poule sur une saison qu'on ne sait pas si ça va aller jusqu'au bout. Mais je pense que les nouvelles encourageantes du camp d'entraînement peuvent nous démontrer que, d'après moi, le baseball, contrairement peut-être à d'autres sports, vont être capables de tenir la saison d'un bout à l'autre. Bruno, hier, j'ai écouté le match à NMB Network, Colorado-Texas. J'ai écouté un bout du match. Il y avait, écoute, les stades sont vides, on le sait. Là. Mais ce serait quoi? Quel est le danger d'avoir un 5 à 10 000, 10, 15 000 personnes dans un stade de 40, 45 000 en plein air? Puis je pense que j'ai vu quelque chose là-dessus d'ailleurs, qu'on songe même à les ramener, là, les partisans. Ben je pense que oui, en fait, ça va se faire graduellement, puis je te dirais, le danger est peut-être pas nécessairement là pour les gens qui se présentent. Moi, je pense que c'est plus une question d'image. On est vraiment dans l'image. On veut pas commencer à projeter des rassemblements et tout ça. On est vraiment dans cette gestion-là parce que si c'était fait d'une façon contrôlée puis logique, il y aurait moyen de mettre des gens dans les stades. Mais je pense d'un point de vue d'image, on préfère commencer vite puis ensuite déconfiner, continuer le déconfinement graduel au fur et à mesure. Moi, je vois ça comme ça parce que c'est clair qu'il aurait pu avoir, ne serait-ce que, on dit 15 000, 10 000, ça aurait pu être 5 000, ça aurait pu être plusieurs centaines, mais ça aurait été possible de mettre des gens là. Tout comme au golf, on le voit, ce serait possible sur le terrain de mettre des poches de gens et de placer du monde. Et je pense qu'à mesure que les tournois vont avancer, on risque de voir de plus en plus peut-être des loges être installées individuelles, des choses comme ça qu'on risque de voir apparaître aussi dans la future. 500 000 d'Indianapolis, qu'on a dit qu'il allait avoir 25% de sa capacité. C'est ça, là, 20-25%, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun danger. Moi, je ne vois pas de danger du tout. T'sais. Écoute, c'est ça. On va parler des Blue Jays confirmés à Pittsburgh. J'ai été surpris, honnêtement. Là. J'ai été très surpris d'entendre ça. Donc, Comment tu. Je l'ai vu, le stade des Pirates, un maudit beau stade en passant. Ben, en fait, moi, je trouve ça le fun. T'sais, on suit les Blue Jays d'un peu plus près. Fait que de pouvoir voir tous leurs matchs à domicile, entre guillemets, être joué là, ça va être plus beau comme visuel, très certainement, que s'ils jouent à Toronto. Puis comme il n'y a personne dans le stade, ben, que tu joues un peu n'importe où, ça ne change pas grand-chose. Je pense que la localisation géographique est bonne aussi pour les Jays. Puis le fait qu'ils jouent en plein air, ben, ça va éviter justement les matchs fermés dans le bon vieux Sky Dome, Rogers Center, peu importe comment on veut l'appeler, de Toronto. C'est une drôle de décision parce que c'est clair que Buffalo aurait pu faire du sens, tu sais, quand tu penses en plus que l'équipe 3 est là, que le stade peut répondre aux exigences d'un environnement où il n'y a pas de spectateurs. Mais ultimement, je pense que toutes les considérations prises pour le partisan de Pittsburgh, en tout cas, en tant que partisan de baseball, je trouve que c'est un bel environnement pour voir évoluer les Jays. OK. Donc, ils vont jouer dans les stades des ligues majeures en passant. Donc, oui. ça va être plus intéressant. Donc, on va parler maintenant du côté des Blue Jays encore. Vladimir Guerrero a été transformé au premier but. La nouvelle a été lancée vendredi après-midi, puis il avait reçu le podcast avec Marc le vendredi matin. Moi, j'ai resté surpris de voir Vladimir Guerrero s'en aller au premier but. On savait tous que ça allait finir de même, que Vlad allait aller au premier but, mais pas aussi vite que ça. Et parce que moi, je m'aurais attendu un an ou deux avec Jordan Grojan. Jordan Grojan, le joueur de troisième but, arrive. Mais là, finalement, il va le voir. Puis, de ce que j'ai pu voir, c'est pas à l'aise, mais c'est normal. Non, ben, puis tu sais, moi, je pense que la saison de 60 matchs a peut-être un petit peu précipité la donne, dans le sens que c'est peut-être une expérimentation aussi qu'on va faire en cours de saison. T'sais, on n'a pas eu de camp d'entraînement régulier. Il n'y a pas de. C'était vraiment une période de préparation pour la saison qui était bizarre, étrange. Je pense que ça pourrait, à la limite, être peut-être une bonne chose. T'sais, on va peut-être être en mesure d'expérimenter des choses. Puis, dans une saison, une saison de baseball, on en parlait avant d'entrer en onde, c'est un marathon. On en parle souvent que ça va être cette année un sprint, ça va être différent. Puis, pour le mieux ou pour le moins bon, les Blue Jays, dans les dernières années, souvent, ils ont été très forts en avril et en mai. Puis, par la suite, ça a comme décliné parce que la saison était longue. Puis bon. Fait que peut-être qu'ils vont prendre feu rapidement, mais peut-être aussi qu'au bout de 20 matchs, on va savoir déjà qu'ils ne seront pas des séries. Et à ce moment-là, ben, le 40 matchs restant sera une expérimentation pour ce genre de choses-là. Donc, pour les jeunes, je pense que le fait d'essayer des choses, là, on va peut-être voir plus de jeunes dans l'alignement, tout ça. Fait que les Blue Jays, je vois vraiment leur saison aller dans deux directions. Puis la décision de Vladimir me démontre que l'organisation le voit comme ça aussi, je pense. C'est que soit qu'on va prendre feu puis qu'on va vraiment avoir une très bonne saison puis qu'on va être dans la course, là, comme plusieurs équipes devraient l'être plus que d'habitude à cause de 60 matchs, ou bien ce sera une expérimentation qui sera ratée puis on en profitera pour préparer 2021 puis ce sera tout. J'ai de la misère à aller voir finir 30-30. Je vais aller voir finir 38-22 puis être dans la course pour les séries ou peut-être dans les séries, ou bien terminer 24-36 puis être complètement dehors du portrait. Mais on va parler, mais tu sais, je parlais avec Mark Griffin, ça se compare beaucoup à 1981 cette année. 1981, il y avait eu deux séries, deux saisons, et les Expos et les Phillies avaient été là-dedans, mais la meilleure équipe, si on compte les victoires, c'était les Cards de Saint-Louis. Donc, tu sais, ça va être un peu bizarre, ça va être un peu dans le même style, c'est sûr qu'il va y avoir le règlement. Comment tu trouves ça, le règlement de... Moi, je n'étais pas pour là, le joueur de deuxième but en dixième manche pour par la suite, mais dans le fond, c'est comme un peu comme la fusillade, hein, au hockey. Moi, je ne suis pas pour ça. Puis je suis pas plus pour la fusillade au hockey. Tu sais, on en parle souvent depuis les années qu'on collabore ensemble, Dan. On est plus des traditionnalistes, on va dire ça comme ça. Là, fait que le fait que tu aies un frappeur de choix dans la nationale, on n'aime pas bien ça. Le fait qu'on ait trois frappeurs obligatoires par un releveur qu'on affronte, on n'aime pas bien ça parce que ça coupe dans la stratégie un petit peu ou ça la change. Puis on voit pas vraiment de raison logique à ça. Tu sais, ça causait pas de problème à part les matchs qui étaient longs. Il n'y avait pas d'autres problèmes sur le jeu ou sur l'intégrité du jeu, je vais dire ça comme ça. Puis même chose en dixième manche, une manche supplémentaire en plus dans une saison écourtée de 60 matchs. Je trouve que dans tous les cas de figure, c'est pas un bon moment. Par contre, tu sais, le sport du baseball est souvent considéré comme étant trop traditionnel. Moi, j'aime pas les changements, mais je peux pas être contre qu'ils essayent de faire des nouvelles choses. J'ai bien aimé, entre autres, je sais pas si t'as vu dans les matchs hors concours, les caméras dans le casque des receveurs, là, qu'on voit les lanceurs s'exécuter, puis qu'on est capable d'avoir des vues différentes. Donc, j'espère qu'ils vont se servir de ça pour expérimenter aussi. Les équipes vont expérimenter des choses, mais j'espère que le sport aussi va en profiter pour essayer d'autres choses dans sa présentation, dans sa diffusion, pour justement peut-être se sortir de ce canevas de sport pris dans le temps. Mais je te rejoins là-dessus. Moi, le joueur en 10e manche au 2e but, j'aime pas ça beaucoup. Je trouve que ça avantage des équipes qui ont de la difficulté à mettre des joueurs sur les buts. Ça avantage des équipes qui seraient peut-être désavantagées au niveau de leur gestion de relève. Tu construis pas ton équipe normalement en fonction d'un règlement comme ça. Puis j'ai écouté des matchs, des classiques. Moi, j'ai pas de problème à écouter des classiques, là, des vieux matchs sur YouTube. Moi, j'écoute sur YouTube, j'écoute pas sur RDS. Puis tu sais, YouTube, il y en a plein. Puis les matchs, ils n'étaient pas si longs que ça dans le temps. Ouais. Le 20-25 ans, ils n'étaient pas si longs que ça. Puis je comprends pas ce qui est arrivé. Puis finalement, pour réduire. C'est sûr que les pauses subissables sont peut-être plus longues aujourd'hui et ainsi de suite. Bruno, rapidement, comment tu vois ça la saison? Donc, rapidement dans chaque ligne. Ben écoute, dans la nationale, tu sais, moi je vois les Dodgers puis les autres. Tu sais, il y a des très bonnes équipes. On aime beaucoup les Braves depuis des années. On aime ce qu'Alex fait là-bas. Tu sais, on sait que les Phillies se sont améliorés. Dans la centrale, il y a plein de bonnes équipes. Ça va être une grosse lutte. Je regardais Fangraph là, qui font leur prédiction de saison. Je pense qu'il y avait les Reds puis les Cards à 32 victoires, puis les suivis des Cubs à 31 victoires, puis les Brewers à 30. En tout cas, quelque chose comme ça. Si c'est le cas, ça va être spectaculaire. Fait que, dès le départ, moi, je pense que ça va être une saison spectaculaire parce que beaucoup plus d'équipes que d'habitude vont être dans la course. Fait qu'une équipe de bas de classement pourrait surprendre dans n'importe quelle division. Pensons aux Mariners là, qui étaient 17-3 là, il y a 2 ans. Là. Ce genre d'équipe-là aurait peut-être pu continuer son push puis se qualifier pour un meilleur deuxième pour la première fois en 20 ans. Fait que, dès le départ, je pense que ça va être ça. Mais si on y voit que la logique, dans la nationale, il y a les Dodgers. Puis après ça, oui, tu as les Nationals qui ont gagné l'an passé. Puis il y a d'autres clubs, mais c'est vraiment Los Angeles en haut et d'aplomb avec l'ajout de Mookie Betts et tout ça. Pour moi, c'est. David Price, est-ce qu'il y a trop de profondeur pour que ça paraisse? Price, dans les Dodgers, ça aurait été que 3e, 4e partant, mais c'est pas si grave. Ben, c'est ça. C'est plus l'équipe de. C'est pas l'équipe de Price. Puis même Kershaw, c'est plus Walker Buehler. Les jeunes ont pris le contrôle de ce club-là. Puis la division est faible. C'est ça aussi qui arrive. La division est tellement faible. Quand on compare les autres divisions, à peu près toutes les autres divisions sont plus compétitives. Donc, pour moi, les Dodgers à la nationale sont les favoris, clairement. Dans l'américaine, c'est plus balancé. C'est sûr que les Yankees, avec l'ajout de Gerrit Cole, je pense qu'ils sont vraiment dangereux. Mais la division reste forte. Les Rays, les Red Sox pourraient rebondir. On a parlé des Blue Jays qui pourraient peut-être prendre feu avec le groupe de jeunes. Dans la centrale, les Twins ont gagné l'année passée, mais les White Sox, c'est une équipe super bien construite, plein de bons jeunes. Encore une fois, les jeunes, souvent, en début de saison, ça arrive que les équipes là, plus jeunes ont du succès jusqu'à temps que l'été arrive, puis là, on arrive dans le grinding. Puis là, souvent, c'est plus difficile de maintenir le rythme. Mais des équipes pourraient arriver dans un sprint comme ça puis surprendre. Puis dans l'Ouest, ben, t'as les Astros, évidemment, qui vont être surveillés suite au scandale d'avoir touché. Mais eux doivent être contents, parce que là, on ne parlera plus du tout du scandale des Astros. Les autres, t'as-tu pensé l'année d'enfer, ça aurait été une année normale, comme l'année d'enfer qui aurait passé? Ah, clairement. Puis ça risque de les aider énormément, même dans leur performance sur le terrain. On va en parler les premiers jours, parce qu'il y a sûrement des joueurs qui vont se faire atteindre, mais ça va sûrement, après ça, s'en aller plus loin dans les discussions. Fait qu'ils vont être dans le coup. Les A's ont une équipe bien construite. Fait que l'Américaine est plus solide. Là, quand on regarde toutes les équipes que j'ai nommées, tu viens d'avoir fait peut-être le tour de la moitié de trois quarts des équipes qui ont une chance. Les équipes très, très faibles, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que je pense que dans un 60 matchs, ça va donner de quoi d'intéressant. Mais si j'avais à me mouiller pour une série mondiale, ce serait Yankees-Dodgers. Pas très original, mais je pense que c'est les deux meilleures équipes dans chaque ligue. Puis, il va une donnée, là, ce qui est important. Dans un camp d'entraînement comme il y a eu, habituellement, un camp d'entraînement normal, les lanceurs partant arrivent au premier match, sont capables de lancer 6 manches et 110 lancés déjà. Mais là, c'était un camp d'entraînement très court. Quand on aura à faire 80, ça va être pas mal. 80 lancés, ça va être probablement le top qui vont aller. Là. Ah, absolument. Puis c'est pour ça que les Yankees, je l'ai choisi dans l'Américaine. Ils ont une bonne relève. Dans la nationale, ben encore là, les Dodgers, c'est pas leur force. Il y a des équipes qui ont des meilleures relèves, mais l'équipe est tellement solide que je pense que ça dérangera pas ce que tu viens de mentionner. Puis de toute façon, s'ils venaient à s'améliorer, parce que cette année, la particularité, c'est qu'il y aura une seule date limite des transactions, puis elle va être au 31 août. À moins qu'il y ait des incertitudes sur la complétion de la saison, puis encore là, peut-être que certaines équipes vont dire ouais, je vais changer un joueur si finalement la saison est cancellée pour X, Y raison. Mais les équipes comme les Yankees et les Dodgers ont quand même des bons systèmes de filiales, donc sont en mesure de proposer des échanges intéressants. Ils ont l'argent aussi. Fait que encore une fois, si on doit aller chercher des pièces manquantes, ils sont encore favorablement positionnés pour aller les chercher. Donc déjà qu'ils ont un alignement bien construit, C'est les blessures, mais encore sur une courte saison. Est-ce que les blessures, je trouve ça quasiment moins important que la profondeur? Puis parce que sur une courte saison, il y a moins de blessés. Les blessures viennent souvent à mesure de l'usure de la saison. Donc, s'il y a moins de blessés, puis la profondeur est là. Fait que logiquement, ces deux équipes-là, pour moi, devraient sortir au haut du pavé. Mais c'est clair qu'ils vont avoir une surprise, parce que dans une saison comme ça, ça peut pas faire autrement, comme tu as dit. Tu compares à 80 ou 81 avec la demi-saison, puis la comparaison est bonne. Les bonnes équipes étaient sorties de ces. Tu sais, on parle des Expos, c'est quand même leurs bonnes années. Mais ça reste que ça a donné une logistique puis un élément de surprise qui va s'amener. Fait que c'est clair qu'il y a une équipe qu'on verra pas venir du tout qui va être des séries. Je sais pas laquelle, mais il y a une équipe qu'on n'aura pas parlé du tout qui va réussir à se faufiler. Padres de San Diego, les Angels peut-être de Los Angeles si les lanceurs peuvent tenir le coup un petit peu. Les White Sox, j'ai parlé tantôt. Il y a une équipe comme ça de nulle part qui va apparaître et qui va se présenter en série. Moi, je suis certain. Bruno, il y a une nouvelle qui va citer une rumeur. C'est pas encore confirmé. Mookie Betts et les Dodgers sont sur le point de s'entendre pour 10 ans, 40 millions par année. On est rendu là. Je sais pas quand est-ce que ça va finir. C'est complètement fou. Dans le cas de Mookie Betts, je disais un article intéressant hier, c'est que il y a plusieurs analystes qui disaient est-ce qu'il va avoir perdu beaucoup d'argent en refusant justement l'augmentation de 300 millions que les Red Sox lui offraient à cause justement l'incertitude, il y a moins de revenus dans le sport. Cette année, si la saison n'a pas lieu au complet, tu sais, il y avait comme beaucoup d'analystes qui disaient, y'a-tu passé à côté de son 300 millions pour finalement peut-être s'il y a un rabais, ben, on a une portion de réponse avec cette rumeur-là que tu viens de mentionner. Ben, c'est pas encore confirmé, mais tout indique qu'il y a plusieurs sources qui disent que ça serait que pratiquement confirmé. Bruno, un gros merci. Au plaisir de se parler, puis on s'en parle bientôt. Ouais, on a hâte de suivre ça. Bonne saison, tout le monde. Notre ami Bruno Boudreau.